Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, cet étrange désir de posséder les œuvres d'art. Une série de Perrine Kervran réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a une leçon inaugurale ébouriffante au Collège de France et la pensée si précise et généreuse de l'historienne Bénédicte Savoie. Il y a aussi ces objets que l'on a tellement l'habitude de voir au musée qu'on finit par oublier que jamais cela n'a été leur place. Ils ont été faits pour des églises, des temples, des palais, des jardins ou des salons et d'une manière ou d'une autre en ont été arrachés. Et il y a ces demandes des anciens pays colonisés de récupérer les objets et les sculptures que les colonisateurs se sont attribués. Et parfois, ce plaisir évident de voir un objet dans l'endroit pour lequel il a été conçu. Et paradoxalement, cet autre plaisir tout aussi fort de déambuler dans les musées. Mais en tous les cas, un jour, il faudra probablement tout restituer. Alors pour commencer, les personnages. Une guide romaine, un ancien président directeur du Louvre, le directeur du musée Théodore Monod à Dakar, un ancien ministre de la culture italien, une avocate qui veille au grain et deux historiennes qui prennent des gants. Ensuite le décor. Des expéditions punitives, une place vidée de son obélisque, une grue, des traités de paix, des spoliations, des musées jaloux, des caisses de bois mises en soute, des cérémonies, des discours et des retours. Aujourd'hui, 4e épisode, on descend du taxi. On est Piazza di Porta Capena et on cherche l'endroit où était l'obélisque d'Aksum qui a été donc restitué à l'Éthiopie et qui donc n'est plus sur cette place. En fait, on cherche à trouver une trace de l'endroit où il se trouvait. Alors le chauffeur de taxi nous a dit qu'il était là où il y a ce grand cyprès et deux colonnes. Je pense pas, non. Je pense qu'il était plus près du ministère des colonies africaines, qui est ce bâtiment-là, qui aujourd'hui est la FAO. Parce que là, on est sur un trottoir, et c'est vrai qu'il n'y a aucune trace au sol. Inanitixel, je suis une statue. Ich wurde nach Russland geschleppt. J'ai été rentré. Il me réclame. Je suis faite de toile et de bois. J'ai été rendue. J'ai été rendue. J'ai été volée. Ich habe Europa in einem Wagen transportiert. Man hat mich zurückgefordert. Ich habe die Teile. On me réclame. Tu ne convoiteras pas l'objet d'art de ton voisin. J'ai été échangée. La restitution en question. Und in einem Lastwagen transportiert. Oh, ja, se non vado errato, l'obelisco di Aksum è stato restituito all'Etiopia. Dov'era esattamente non lo so dire, non so se era su questo marciapiede o in mezzo all'incrocio, non ricordo. Certains imaginent qu'en plaçant son oreille contre les tableaux, les sculptures ou dans le creux des vases précieux, on les entendrait chuchoter qu'ils veulent rentrer chez eux. Comme si les œuvres pouvaient ressentir de la nostalgie pour une patrie quelconque. Mais les œuvres sont faites de bois, de carton, de toile ou de pierre, et elles restent silencieuses. C'est nous qui voulons qu'elles rentrent, nous qui estimons que chez nous, c'est chez elles, et nous encore qui en faisons des étendards. Et puis c'est parfois compliqué. Quelle est la bonne place pour les noces de Cana, qui ont passé quasiment autant de temps au Louvre que dans leur couvent de Venise ? Quelle est la bonne place pour les chevaux de Saint-Marc, installés un temps à Paris et restitués à une Venise devenue autrichienne? Est-ce à Constantinople, où Venise les a pris en 1204, ou plutôt en Grèce, à moins que ce soit à Rome, là où Constantin les a pris en 330? À force, on ne sait plus d'où ils viennent, ces maudits chevaux. Alors oui, il faut rendre les œuvres spoliées à des particuliers. Mais pour les autres, emportés ou pillés au gré des conflits, encore faut-il savoir où et à qui. Et puis peut-être surtout qu'il faut prêter l'oreille à ceux qui les réclament. On ne sait pas vraiment où il était, mais je pense qu'il était là ou sur le trottoir sur lequel on est maintenant. Je suis l'obélisque d'Axum. On recherche l'obélisque d'Axum. Stiamo cercando l'obélisque di Axum. Si ricorda dove fosse collocato? In Axum Haultne. Si, voilà. Venga, è più semplice. Sul marciapiede? Ah, ok. Su questo qua là. Donc là, on était. C'est Maroc. L'obélisque de Axum était d'une façon légitime en Italie. C'était acquis par la volonté coloniale. Francesco Rutelli, ancien maire de Rome et ancien ministre de la Culture. C'était pas loyal. Alors, la restitution était très longuement débattu en Italie parce qu'il y a eu aussi des oppositions formales. In queste semplice, irrevocabile, definitiva proposizione, l'Etiopia è italiana. Mussolini était un peu honteux par rapport à la France et à l'Allemagne et à l'Angleterre d'avoir si peu de colonies. Donc, pour lui, avoir conquis l'Éthiopie, c'était vraiment une grande gloire. Il en était très fier. Et donc, il avait raflé cet obélisque. On a décidé de le rendre en 2003, mais il n'est parti qu'en 2005. Hein, et il a été donc réinstallé où il était. Et ces gestes très importants ont été accomplis. L'Italie a renvoyé sur les altipiani, comment dit-on, sur le plateau éthiopien, cet obélisque. C'était un devoir de responsabilité. Moi, je me souviens très bien du moment où il a été démonté. Il était en plusieurs blocs hein, et ils avaient installé un grand échafaudage tout autour. Et il y a une grue, effectivement, qui est venue prélever le morceau supérieur et puis qui l'a déposé après à côté et ainsi de suite. On a vu l'obélisque diminuer et puis voilà, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On cherche l'emplacement de l'obélisque d'Axum. Elle n'existe plus parce qu'il a été retourné en Éthiopie il y a, je sais pas, 5 ans. C'était très joli et c'est dommage qu'ils l'ont retourné, mais les Romains, ils ont expérience à voler des obélisques déjà des milliers d'années. Alors, bonne journée. La même chose était arrivée avec une œuvre, parce que j'ai rendu à la Libye la Vénus de Cirène. Et c'était très juste à faire, parce que ce n'était pas obligé, les deux choses, ni Axum, ni Vénus de Cirène. La même chose était arrivée avec une troisième œuvre prise par le fascisme dans un troisième endroit colonial qui était ni la Libye ni l'Éthiopie, mais l'Albanie, à Butrinto, il y avait une déesse qui avait été décapitée. Et la tête était chez nous, et ça aussi a été rendu par l'Italie au gouvernement de l'Albanie. Et est-ce que dans ces cas-là, Francesco Rutelli, il y a des accords qui sont passés, des compensations? Est-ce que quand on rend un objet d'art, du coup, l'Italie a pu obtenir d'autres choses de la Libye ou de l'Éthiopie? Non, pas directement. Ça est sans doute dans un contexte d'amitié, de coopération, de relations amicales entre les pays. Mais je pense que quand on parle de culture, exactement comme quand on parle de l'exception culturelle, il ne faut pas échanger les monuments, les patrimoines, comme s'ils étaient des marchandises, franchement. Naturellement, ça va aider les commerces, ça va aider la coopération, ça va aider les relations politiques et aussi économiques entre les deux pays. የሀገራችን ዜጎች ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ በርሉስኮኒ Abbiamo il privilegio di assistere a un momento. L'obélisque a été transporté par avion et érigé de nouveau à Aksum le 14 juin 2008. Per rappresentare un modello di riferimento a livello internazionale. Le moment des restitutions est un moment politique qui a une très très longue histoire. Et en 1945, en Allemagne, quand les œuvres partent et qu'elles reviennent au milieu des années 50, là encore, il y a de très grandes mises en scène politiques. Bien sûr, quand l'Union soviétique restitue à la RDA, à la petite sœur RDA, la grande majorité des objets et des collections qu'elle avait emportés à Moscou et à Saint-Pétersbourg en 1945, quand elle fait ça, c'est un acte politique considérable. Donc les restitutions d'objets singuliers, mais aussi de collections entières, ont une très longue tradition. Et l'iconographie, la représentation, la mise en scène, le reportage filmé de ces restitutions a joué un rôle toujours considérable. Et c'est d'ailleurs amusant de voir combien il y a des constantes dans la représentation et la mise en scène de ces moments-là, jusqu'à aujourd'hui. Bénédicte Savoie, historienne de l'art. Dans l'Antiquité, on a des sources qui non seulement parlent de reprise, alors c'est pas une restitution, mais c'est par exemple un siècle ou deux siècles ou 10 siècles après la perte d'une statue, par exemple sous Assurbanipal qui raconte que 1635 ans après avoir perdu une statue, il est allé la récupérer et que cette statue vraiment pousse un ouf de soulagement. On la voit dans ce récit être très heureuse de rentrer enfin à la maison. Donc on trouve ce moment de reprise martiale dans le cadre de guerre, mais aussi le moment, le geste généreux d'un souverain qui rend à son peuple ou à un peuple qu'il vient fraîchement de conquérir ou de coloniser des statues que lui avait pris un autre à un autre moment, etc. C'est des constellations dont on trouve la trace très tôt et qui vont continuer de nous accompagner dans l'histoire du patrimoine de l'humanité. Donc si vous voulez, ces questions-là sont très complexes. Il faut les manier avec prudence. Pierre Rosenberg, ancien président directeur du Louvre. Comme vous le savez, il y a quand même au Louvre des œuvres qui proviennent des saisies napoléoniennes. Je prends l'exemple des noces de Cana, qui est l'exemple le plus classique. Et les Vénitiens, qui en plus toujours insistent sur ces noces de Cana, oublient toujours que leurs fameux chevaux de Saint-Marc ont eux aussi été emportés de Constantinople dans des conditions assez... Donc si vous voulez, ces questions-là sont très complexes. C'est trop facile de dire rendons. Il vaut mieux analyser les choses d'un peu plus près, voir si ces œuvres n'ont pas parfois été sauvées par les musées qui les ont accueillis. Plus ces choses-là seront étudiées sérieusement, feront le fruit de véritables concertations, de véritables observations, de véritables réflexions, plus on s'apercevra que les choses sont beaucoup plus complexes et que les œuvres d'art, après tout, elles appartiennent à tout le monde, ça on le dit toujours, qu'elles appartiennent aussi très souvent à ceux qui ont su les conserver. C'est-à-dire que certaines œuvres d'art ne sont pas simplement des œuvres d'art isolées, mais sont des œuvres d'art qui donnent leur effet optimal quand elles sont associées soit à une autre œuvre, soit à un lieu. C'est le cas pour les noces de Cana qui ont été volées par Bonaparte à Bouillon à de culture, en 10 novembre 1995. Donc, le tableau a été peint en 1560 par un des plus grands peintres de la Renaissance véronaise pour décorer un réfectoire qui a été bâti en même temps par un des plus grands architectes de la Renaissance, Palladio. Donc c'était les deux ensemble, étaient une osmose qui formait une œuvre d'art. Madame le directeur des musées nationaux va vous répondre. Sur l'écrin, en 1806, on a complètement cassé cet écrin. Ce n'est plus une église, c'est le réfectoire d'une fondation privée qui s'appelle la Fondation Chini, totalement refaite. Je veux dire, c'est, non, entre nous, pardonnez-moi, une absurdité totale. D'ailleurs, tous les Italiens sérieux sont de mon avis. Non. Je pourrais vous citer. Pas du tout, mais si, tous les critiques et les historiens italiens, les critiques, Calvez, tous, non, ils disent polémique, inutile, c'est beaucoup mieux au Louvre. Mais réellement, non, pas du tout. Je pense personnellement que l'institution du musée est tellement belle qu'il faut, il faut respecter ce qui a été fait. En 1814, après la première défaite de Napoléon, quand il part pour l'île d'Elbe, se réunissent à Vienne toutes les puissances vainqueurs de la France. À ce moment-là, il n'est pas question de toucher au Louvre. Il a fallu que cet imbécile de Napoléon revienne de l'île d'Elbe. C'est pour punir les Français qu'on a démantelé le Louvre de cette époque. Donc, il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, 1814, on estimait que le musée représentait un tel progrès par rapport à la situation précédente que même s'il s'était accaparé d'une manière tout à fait condamnable des œuvres de différents pays, il fallait le considérer comme un progrès pour la civilisation. Les diplomates de 1814 sont des gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui ont parlé français chez eux, qui ont voyagé sous l'Ancien Régime, qui sont nourris encore de ces idéaux cosmopolites de l'Europe du XVIIIe siècle, et arrivent derrière, en 1815 notamment, donc après la campagne de guerre de libération antinapoléonienne, des jeunes, toute une génération de jeunes pour qui ça va la France. C'est fini, on ne va plus parler français, on va inventer des mots allemands ou rechercher des mots allemands pour remplacer les mots français. Voilà. Et là, donc il y a un vrai changement d'énergie politique, de hargne politique aussi, qui fait que finalement est obtenue une très grande, la première, la plus grande restitution de l'époque moderne en Europe et qui reste vraiment très exemplaire sur les formes qu'elle a pu prendre dans les différents pays. Traité de Versailles. Article 245. Dans les 6 mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, le gouvernement allemand devra restituer au gouvernement français les trophées, archives, souvenirs historiques ou œuvres d'art enlevées de France par les autorités allemandes au cours de la guerre de 1870-1871 et de la dernière guerre. Plus près de nous, c'est le traité de Versailles, la fin de la Première Guerre mondiale. Corinne Herschkowitsch, avocate spécialisée dans les questions de restitution des biens artistiques. Et dans ce traité de Versailles, quand on regarde de manière un peu précise les réparations, tout le problème des réparations, on s'aperçoit qu'il existe des listes entières d'œuvres qui avaient été emmenées par les Allemands dans le cadre de cet organisme de protection qu'ils avaient mis en place au moment où ils envahissent les villes du Nord en France. Et sous couvert de cet organisme de protection de l'art, lorsque l'armée allemande se retire, elle emmène des centaines et des milliers d'œuvres. Et donc dans le traité de Versailles, il y a des listes entières d'œuvres par musée, d'œuvres d'art qui vont devoir être restituées à la France. Article 247. L'Allemagne s'engage à remettre à la Belgique, par l'intermédiaire de la commission des réparations, dans les 6 mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, et afin de lui permettre de reconstituer 2 grandes œuvres d'art, premièrement, les volets du triptyque de l'agneau mystique, peint par les frères Van Eyck, autrefois dans l'église de Saint-Bavon à Gand, et actuellement au musée de Berlin. Deuxièmement, les volets du triptyque de la Seine, peint par Dirk Boots, autrefois dans l'église de Saint-Pierre à Louvain, et dont 2 sont maintenant au musée de Berlin, et 2 à l'ancienne Pinakothèque de Munich. Et aujourd'hui, Bénédicte Savoie, ces questions de restitution, est-ce qu'on peut définir le moment à partir duquel ces restitutions sont devenues plus nombreuses? Il me semble qu'elles ne sont pas forcément devenues plus nombreuses, elles sont devenues plus audibles. On sait que le portrait, le buste de Nefertiti, qui est arrivé à Berlin en 1913, après des fouilles effectuées en 1912, ce buste est arrivé en 1913 et il a été réclamé pour la première fois dès 1925. Et sans solution de continuité jusqu'aux années 2000. Hein. Très régulièrement, on voit des demandes, il y en a eu pendant les années 70, des demandes de restitution. De même, si on allait consulter les archives administratives de beaucoup de musées d'ethnologie, on trouverait des demandes de restitution dès les années 70, 80, des demandes qui, bien souvent, n'ont même pas fait l'objet de réponse. Et le fait qu'elles soient plus audibles maintenant, on multiplie peut-être le nombre, mais montre surtout combien les consciences, la conscience collective, le sentiment collectif des Européens est en train de changer, qui perçoit des voix. Peut-être qu'il les perçoit de manière juste ou qu'il considère qu'il y a quelque chose de juste dans ces demandes et qui, du coup, leur donne une visibilité, un écho beaucoup plus grand. Et sans doute que cet écho n'est pas prêt de s'évanouir. Understand. Segan? Segan, we were there. There's nothing there. Marcus? Marcus? They're not train routes. Are they airfields? No. Better than Salzburg. Sir? That's not Salzburg. Salz means salt. Les Monuments Men, salt mine. Dans le film, George Clooney joue le rôle de George L. Stout, qui a mis sur pied les Monuments Men, une section d'historiens de l'art qui allait récupérer les œuvres volées par les Allemands pour les rapporter là où elles étaient. Et dans cette scène, les Monuments Men comprennent que les œuvres d'art et l'or des nazis ont été cachés dans des mines abandonnées. Dans cette archive de 1946, qui évoque le retour des collections privées volées par les Allemands, ce qui est frappant pour nos oreilles de 2018, c'est qu'à aucun moment on ne nous précise que ces collections privées, spoliées, étaient celles des collectionneurs et des marchands d'art juifs. Et spoliées parce que juifs. S'il est une exposition que les Français attendaient avec impatience, c'est bien celle qui est actuellement présentée à Paris, dans les grandes salles claires du musée de l'Orangerie aux Tuileries, sont en effet rassemblés en ce moment les chefs-d'œuvre des collections françaises retrouvées en Allemagne. Et dès l'entrée, c'est un éblouissement. Un ensemble d'une telle somptuosité que l'on demeure vraiment écrasé par l'ampleur des vols allemands au détriment des collections françaises. Watteau, Fragonard, Latour, voisine avec Velázquez, Rubens, Van Dyck, bien des maîtres étrangers. Et l'ensemble est d'une diversité et d'une beauté qui font de cette exposition une des plus belles qui depuis longtemps ait été offerte certainement au public parisien. Une carte piquée de drapeaux alliés indique les points où ces pièces ont été retrouvées. Et tout naturellement, une question vient à l'esprit, c'est de savoir dans quel état se trouvaient ces toiles quand elles ont été récupérées. Cette question, nous allons la poser à M. Henro, président de la commission de récupération artistique. Dans l'ensemble, les tableaux sont arrivés en très bon état. Pour la bonne raison, c'est que les Allemands n'avaient pas eu le temps d'ouvrir les caisses et qu'elles sont restées dans l'état où elles avaient été expédiées de Paris. Je ne sais pas si vous savez comment cela se passait. Toutes les collections particulières visées par les Allemands étaient réunies au musée du Jeu de Paume, où on faisait des expositions admirables. Le maréchal Göring est venu lui-même 20 fois. C'est là le choix pour Hitler d'abord, pour Göring lui-même ensuite, et ensuite pour Ribbentrop et puis certains musées allemands. Je vous remercie infiniment, je ne veux pas vous déranger plus longtemps dans vos occupations. Et ce n'est pas sans regret que nous quittons cette exposition, où la France peut sentir, par la réunion de tant de chefs-d'œuvre, une partie, et non la moindre, de ce qu'elle a failli perdre. Alors, dans l'approche de la volonté des nazis d'éradiquer les juifs d'Europe, c'était quand même le problème, un des problèmes majeurs de la réflexion nazie, l'annihilation de ce groupe humain passait aussi par une captation totale du patrimoine culturel. Prenons l'exemple de la France. Quand les nazis arrivent en France, ils ont déjà repéré les plus importantes collections juives. Donc les collections juives sont appréhendées dès le début de l'occupation allemande. Dès juillet 40, les collections les plus importantes sont appréhendées. Donc ce mouvement est très, très affirmé. Et cette façon, cette organisation très affirmée du pillage va avoir pour conséquence une prise de conscience assez rapide des alliés face à ce pillage. Et en janvier 43, ce qui est quand même assez tôt dans le renversement des forces en présence, il y a une déclaration solennelle qui est promulguée à Londres, le 5 janvier 43, en présence de 17 pays alliés, qui manifestent très clairement leur volonté, dès la fin des hostilités, de restituer ce qui a été pillé, de rétablir les propriétés. Donc c'est sur le fondement de cette déclaration solennelle de Londres que les restitutions vont être organisées après-guerre. Mais on va voir après-guerre que les restitutions qui vont être organisées dans chaque pays européen vont se faire de manière très différente, très, très diverse. Les restitutions ont été faites dans les 5 à 10 années qui ont suivi le conflit. Ça a été très rapide. Ça a été très rapide. On a mis vraiment dessus un couvercle, on a souhaité oublier cette face de cette période nazie. Le temps a passé et à la fin des années 90, le problème des spoliations a ressurgi. Et tout ce qui n'avait pas été fait de manière satisfaisante est apparu. Et la nouveauté finalement, c'est qu'il va y avoir des revendications individuelles. Et c'est comme ça que le dossier est réouvert et qu'on va l'approcher de manière différente. Et pourquoi est-ce que ça ressurgit à ce moment-là ? Mais je pense que c'est le temps. Il faut vraiment que la génération née après-guerre, née largement après-guerre, devienne adulte et puisse avoir un regard différent sur cette période. C'est-à-dire ne pas avoir le tabou de parler d'autre chose que de la Shoah. Et puis, c'est grâce à l'ouvrage de Hector Feliciano, qui est sorti en 1995, qui s'appelle « Le musée disparu », avec des exemples très concrets, visibles, et qui... Qui a eu un énorme retentissement. Qui a eu un énorme retentissement, qui venait après un ouvrage écrit par Lynn Nicholas, une historienne américaine. Et donc, ça a beaucoup marqué, certainement, des gens qui avaient enfoui très loin cette période et qui se sont identifiés. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec la rencontre que j'ai eue avec ce petit-fils d'un propriétaire spolié, d'un collectionneur spolié. Ça a suscité chez lui quelque chose qui l'a autorisé à en parler. Le grand inventaire a commencé à Washington pendant 4 jours, 57 délégations. Le 30 novembre 1998 sur France Inter. Vont faire le point sur la spoliation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les dossiers seront en principe abordés. L'or nazi, conservé par les banques suisses, les œuvres d'art détenues par les musées, les polices d'assurance jamais honorées, les meubles et les immeubles confisqués. Chaque pays étant censé apporter ses listes. Manifestement, en Europe en tout cas, il y a un lien entre tout le grand mouvement de restitution qui s'est mis en marche à partir de la fin des années 90, après la conférence de Washington qui a exigé des musées du monde et en particulier des musées d'Europe qu'ils trouvent des solutions justes à l'égard des victimes des spoliations nazies, c'est-à-dire des familles juives qui avaient été dépossédées pendant la guerre et dont les demandes de restitution ont certes été honorées dans les années 50, mais ensuite qui ont été oubliées et qui sont ressorties dans les années 90. Donc il y a un lien certain entre la sensibilité de l'opinion publique pour la justice de ces demandes, pour leur justesse, et pour la nécessité de la part des institutions de trouver des réponses elles-mêmes justes, dans tous les sens du terme, le ton juste et la réponse juste aussi en termes juridiques, si on veut. Ça joue sûrement un rôle en Europe. Il y a sûrement un lien donc, entre cet épisode-là, qui est très important pour l'histoire des musées européens, et l'histoire de l'histoire européenne, de notre rapport à notre histoire, et l'attention accordée aujourd'hui aux demandes de restitution qui viennent des anciennes colonies, par exemple. Mais c'est un rôle qu'on peut relativiser si on regarde les États-Unis ou le Canada, où parallèlement à la grande question de l'espoliation des biens juifs, donc au même moment, en quelque sorte, se sont posées les grandes questions du rapport entre les communautés de natives, c'est-à-dire les Indiens, par exemple, ou les communautés qui demandaient de récupérer dans les musées nationaux américains, canadiens, des objets qui sont importants pour leur culte, pour leur culture ou pour leur mort. Et là, les États-Unis, le Canada, l'Australie ont avancé beaucoup sur ces questions, y compris en termes, atmosphériques pratiquement, sur la manière de recevoir ces demandes et d'y répondre. Je crois vraiment que les chefs-d'œuvre uniques, jamais vus par les Égyptiens eux-mêmes, devraient être exposés ici pour un temps donné. C'est pourquoi j'ai écrit aux Allemands afin qu'ils nous prêtent le buste de Nefertiti pour qu'il soit montré au musée Akhenaton à Minya en 2010. J'ai demandé la même chose au Louvre, pour le zodiaque de Dendera, au British Museum, pour la pierre de Rosette, ainsi que la statue de l'architecte de la Grande Pyramide qui se trouve au musée de Hildesheim, et la statue de l'architecte de la Seconde Pyramide qui est elle au musée des Beaux-Arts de Boston. J'espère que ces institutions diront oui et voudront coopérer avec nous. Nous leur garantissons que ces chefs-d'œuvre seront traités en toute sécurité. Mais si ces musées ne sont pas d'accord, il y aura une guerre entre ces institutions et l'Égypte. S'ils ne sont pas capables de prêter ces objets, je ne les autoriserai plus à faire quelque travail scientifique que ce soit en Égypte. Alors ça a sensibilisé les gens aux demandes de restitution et ça a fait naître des revendications qui viennent, par exemple l'Égypte, on a vu le fameux Zahi Hawass, qui était le directeur des antiquités égyptiennes, qui a mené un combat très romantique, d'ailleurs très, très attrayant, sur des revendications d'archéologie égyptienne dans des pays occidentaux, et notamment en France. Les fresques Tétiki, qui sont revendiquées par Zahi Hawass, sont restituées par Frédéric Mitterrand et retournées en Égypte. Que sont-elles devenues depuis? Malheureusement, il y a eu la révolution de printemps qui est arrivée là-dessus. On ne sait pas très bien ce que c'est devenu. Et puis, il y a eu des tas de revendications comme ça qui ont émergé, peut-être parce que les revendications d'objets spoliés pendant la guerre avaient donné des résultats et du coup, a là aussi permis une expression très forte de revendication. Alors, il y a eu toute une série comme ça dans les années 2010, les fresques Tétiki. Les Coréens, qui réclamaient des manuscrits depuis déjà très longtemps, on se souvient que François Mitterrand était parti avec un de ses manuscrits et avait rapporté un manuscrit en Corée au moment d'une négociation avec Alstom. Il y a un moment où les Coréens ont besoin d'affirmer une identité par rapport aux Japonais, et bien il y a cette demande de restitution des manuscrits, et Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, va faire en sorte que les manuscrits soient prêtés. On va avoir une petite entourloupe, quand même. Une petite entourloupe, une mise en œuvre d'un contrat très particulier qui va permettre de contourner un peu la loi, les nombreuses lois qui protègent le patrimoine culturel en France. De surprendre un peu les conservateurs de la Bibliothèque nationale. Oui, ça, je dois dire que les conservateurs, y compris le président, ont été un tout petit peu interloqués. Et c'est comme ça que les manuscrits vont rentrer en Corée. Alors, évidemment, on a une approche juridique et puis il y a une approche politique. Là encore, on revient à ce double regard d'un côté juridique et puis de l'autre politique. On ne peut pas ignorer une revendication identitaire. Les pays sources qui veulent justement se servir de ces biens culturels pour avoir des revendications identitaires ont compris qu'il y avait là un moyen politique pour exister sur la scène internationale. Et on a vu que ça a porté ses fruits dans différents cas. Il y a eu, dans le cas des manuscrits coréens, c'est une démarche totalement politique. Ils ont parcouru 18 000 km pour venir chercher les crânes de leurs ancêtres. Cachés sous un tissu noir, comme le veut le rituel maori, 20 têtes momifiées, vieilles de 2 siècles, ont été rendues à la Nouvelle-Zélande. Les 20 têtes étaient conservées dans des musées. Il a fallu voter une loi, en 2010, pour les restituer. Elles appartenaient jusqu'alors à la France, de par le droit. Qu'en est-il alors, Corinne Hershkovitch, justement des revendications de restitution des anciennes colonies françaises ? À l'époque, ce sont des objets qui sont, pour une grande partie, rapportés par les évangélisateurs qui vont les déposer au Musée de l'Homme. Juridiquement, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, ce sont des dons, ça rentre dans les collections nationales, et comme ce sont des dons, ça ne peut plus sortir des collections nationales. C'est le bien inaliénable. C'est un bien qui est inaliénable au maximum, je dirais. C'est vraiment la protection maximum parce que c'est rentré par le biais d'un don. Ensuite, le Musée de l'Homme va déposer ses collections au Musée du Quai Branly. Eh bien, ce musée du Quai Branly va rassembler tout d'un coup tous ces objets venus, pas seulement d'Afrique, mais beaucoup d'Afrique, sous le terme générique de art premier. Mais si on se penche vraiment sur ces objets, on s'aperçoit que pour la plupart, ils ont été appréhendés dans des conditions qui ne sont pas tout à fait correctes. Je ne dis même pas légales, simplement correctes, politiquement correctes. Donc aujourd'hui, quand les États africains ou des communautés commencent à réaliser qu'il y a peut-être un moyen de revendiquer, de faire revenir sur le territoire d'origine des choses, des biens, des objets qui sont quand même le reflet d'une certaine culture, ça va poser un problème très compliqué qui ne va pouvoir être résolu que par une analyse juridique et une prise de position politique. Et qu'est-ce qu'il y a comme solution juridique ? Parce que vous l'avez dit, le bien inaliénable, c'est le maximum de la protection. Qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Une loi. Une loi qui va aller à l'encontre de cette loi. C'est ce qui a été fait pour la tête maori. Abidjan, le 15 novembre 2017. Lettre au président de la République française, à Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République française, à Madame la ministre de la Culture de la République française. En ma qualité de roi des bras et membre fondateur du Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique, je vous écris pour faire une requête visant à rendre justice à ma famille, à notre peuple, à notre pays et à nos ancêtres. La colonisation s'est déroulée dans notre région comme partout ailleurs. Il y a eu de nombreux morts et de nombreux biens culturels ont été emportés. En 2015, les dirigeants du musée du Quai Branly ont inauguré une exposition sur les maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire. La plupart de ces objets magnifiques ont été acquis par la France à l'époque de la colonisation, et souvent même au début de l'époque coloniale. La restitution est un enjeu de justice. Et nous pensons que la patrie des droits de l'homme ne saurait être indifférente à cette question. La restitution est aussi un enjeu culturel. Et la France peut comprendre que les hommes et les femmes de notre pays aient besoin de montrer à leurs enfants le patrimoine qui est le leur. Dans l'espoir que vous pourrez donner à cette requête la suite qu'elle mérite, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République française, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Sa Majesté, Assemi Anokbou, roi des bras. À droite ici, nous avons une statuette qui provient de Benin City, dans le sud du Nigeria, qui a été prise en 1897. On va dire que cette princesse, elle se tient là debout sur un socle carré, sur lequel on voit donc cet arc et la flèche. Elle se tient nue, avec un décor probablement en perles de corail. Elle fait un geste assez énigmatique, des mains, un geste qui pourrait être une forme de salutation ou de protection. C'est assez énigmatique en tout cas, comme gestuelle. Au Bode Museum, à Berlin, il y avait une exposition qui mettait en miroir des œuvres de la Renaissance occidentale et de la Renaissance africaine. Et Felicity Bodenstein, qui est historienne de l'art et qui travaille sur les œuvres d'art volées dans les anciennes colonies, nous a montré une statuette de Benin City, au Nigeria, qui a fait un long voyage après sa prise comme butin par les soldats anglais. En fait, il s'agit d'objets qui viennent du royaume de Benin City, des objets qui ont été pillés en 1897 par l'armée britannique dans une région qui ensuite est devenue protectorat britannique et puis le Nigeria sous la Grande-Bretagne. En fait, les sources britanniques parlent systématiquement de punitive expedition pour cet envoi de à peu près 1200 membres des forces navales. Et c'est à ce moment-là qu'on a donc piller le palais royal et pris les objets. Et alors, qui réclame ces œuvres aujourd'hui? À quel titre? Avec quelle justification? Les premières demandes ont été faites par un roi qui a été restitué très tôt, en fait, en 1914. On a redonné un titre de roi qui était tout à fait, du coup, honorifique et représentatif. Ce n'était plus le vrai régent de la région. Il y a eu quatre générations royales depuis. Et depuis Akenzo II, en 1935 à peu près, il y a eu des demandes qui émanent de la cour royale et qui sont des demandes diplomatiques qui ne cherchent jamais à employer la voie forte ou juridique. Ils cherchent des retours qui seraient tout à fait volontaires. Et en général, ils ne demandent pas de retour de tout. Et puis d'autres demandes, bien sûr, ont commencé après l'indépendance du Nigeria. C'est là, véritablement, que la chose a pris plus d'ampleur. Donc on a l'imprécation de deux pouvoirs de nature complètement différente qui demandent ces objets. Si le gouvernement national aujourd'hui les réclame, il les réclame avec tout à fait un autre discours. Enfin, jusqu'à il y a très récemment, c'était un discours très différent, beaucoup plus ferme, avec des grandes demandes de tout retourner au Nigeria. Bon, c'est une question très très... très très compliqué parce qu'on a aussi beaucoup accusé les musées au Nigeria dans les 20 dernières années de ne pas bien s'occuper de leurs objets. Il y a eu soi-disant des disparitions qui ont été dénoncées. Donc ces musées sont sur la défensive et aujourd'hui leur grand objectif c'est de construire des institutions qui seraient donc irréprochables et qui pourraient recueillir des objets pour placer le Nigeria d'un point de vue culturel dans le monde. Thank you for your visit. Can I ask you about nous appartient, qui appartient à la culture d'un pays, à la mémoire historique d'un pays, ne doit pas être ailleurs. Angélique Kidjo, RFI, septembre 2017. C'est absolument insultant de dire que nous ne sommes pas en mesure, parce qu'une partie du musée a brûlé. Il y a des incendies partout. Il peut y avoir un incendie au Louvre. On ne jugerait pas la négligence du Louvre parce que ça a brûlé. Alors vous lancez un appel au président Macron pour qu'il interfère et qu'il demande ce que... Je dis que si on veut être une nation très grande, il faut reconnaître qu'on a fait des erreurs et réparer les erreurs. Ces objets sont partis sans qu'on ait le consentement des Béninois. Et là, alors que personne ne s'y attendait, alors qu'on enregistrait encore des entretiens pour ce documentaire sur ces questions de restitution qui semblent éternellement repoussées par les États, voilà que le 28 novembre 2017, à Ouagadougou, le président du moment, Emmanuel Macron, fait une annonce fracassante qui n'a pas fini de faire des vagues. Et que les directeurs et directrices de musées en France ont encore du mal à digérer. Mesdames et messieurs, le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Ça supposera aussi un grand travail et un partenariat scientifique, muséographique. Ces partenariats prendront aussi toutes les précautions pour qu'il y ait des conservateurs bien formés, pour qu'il y ait des engagements académiques et pour qu'il y ait des engagements d'État à État pour protéger ces œuvres d'art, c'est-à-dire votre histoire, votre patrimoine, et si vous m'y autorisez, le nôtre. Malik Ndiaye, historien d'art, conservateur du patrimoine et directeur du musée Ifan Théodore Monod à Dakar. On peut se poser la question sur le comment plus de 90% du patrimoine africain est en dehors de l'Afrique. C'est parce que tout simplement, il y a des itinéraires du patrimoine qui sont liés à l'histoire des pays, mais généralement à l'histoire de la colonisation. Ce qui fait aujourd'hui que pratiquement les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art en Afrique sont dispersés aux quatre coins du monde, dans les plus grands musées, British Museum, aujourd'hui Quai Branly, et dans plusieurs autres musées en France et aux États-Unis. Bon, ce qui veut dire tout simplement qu'une bonne partie de la mémoire, une bonne partie du patrimoine qui fonde un peu l'identité de ces sociétés, eh bien tout ce patrimoine qui est un socle de développement économique et social, mais surtout un socle de développement humain, aujourd'hui et en dehors de l'Afrique. Il y a bien cette coopération culturelle qui a été initiée depuis quelque temps par le Quai Branly, qui a essayé de faire circuler quelques objets. Je pense au Bénin, en fait, la coopération avec les musées du Bénin, mais c'est très timide encore. La question de la restitution, vous savez, est très complexe. L'argument souvent développé par de grands musées, parfois par de grands collectionneurs, par des personnalités scientifiques, a été l'incapacité des musées locaux à assurer la sauvegarde, la protection de ce patrimoine. Malheureusement, il y a quelques exemples qui sont allés dans ce sens, dans le sens où c'est des exemples qui ont donné des preuves de cet argument. Il n'en reste pas moins que les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a plusieurs musées qui naissent sur le continent africain, avec des conservateurs qui ont été formés aux mêmes écoles que les conservateurs ici, et qui ont le même niveau d'expertise, avec des techniciens qui ont été formés, généralement ici même, soit à l'INP, soit à l'école du Louvre, soit même sur le continent africain, avec l'école nationale du patrimoine. Donc, cet argument ne tient plus. Et par conséquent, il faudrait que l'on retourne tout simplement à la force de la loi pour dire et pour voir et pour même comparer s'il y avait des objets qui étaient sortis du territoire français dans des conditions douteuses il serait légitime aujourd'hui de se poser la question de leur retour. Il y a quelques années, les plus grands musées nationaux se sont réunis pour rédiger une déclaration, notamment autour du British Museum à Londres, à propos de leur politique devant les demandes de restitution. Dominique Poulot, historien d'art, spécialiste de l'histoire des musées. C'est une déclaration qui plaidait l'importance universelle des grands musées occidentaux face à l'idée de propriété culturelle ou de propriété artistique telle que l'UNESCO en particulier l'a développée au cours de la décennie 1970. Les grands musées défendaient donc le maintien de leur collection, quelles que soient les modalités plus ou moins critiquables de l'entrée des pièces étrangères, notamment archéologiques, dans leurs fonds. Ces musées voulaient signifier par là qu'ils étaient en quelque sorte détenteurs d'un corpus universel, avec l'idée que cette circulation générale était tout à fait profitable à l'entente entre les peuples, pour prendre un terme un peu grandiloquent, ou au moins à l'élaboration d'une forme de cosmopolitisme esthétique, c'est-à-dire l'idée que nous reconnaissons des œuvres d'autres continents, d'autres cultures, comme étant des œuvres d'un intérêt non moins grand que les œuvres de tradition occidentale. Et nous sommes capables de les apprécier, nos artistes travaillent à partir de ces pièces, et d'une certaine manière, ces pièces ont aussi intégré l'héritage de chacune des nations européennes ou de la nation nord-américaine. Le concept de musée universel qui dénationalise les objets, à mon avis, est un piège de la part des grandes institutions muséales. Il y a quelques années, il y a eu ce manifeste du British Museum, Risk Museum, Musée du Quai Branly, je pense, Musée du Louvre. En fait, les grandes institutions qui ont créé ce concept de musée universel, il y a eu quelques réponses, mais je pense que c'est une ruse de plus en plus, en fait, parce que on ne peut pas s'aligner sur une position unique édictée par les grandes institutions pour tout simplement prévaloir d'un idéal qui n'est pas nécessairement partagé dans le fond. Dans la forme, oui, parce que nous sommes tous d'accord que l'objet, dès l'instant qui représente une nation, dès l'instant qui représente un lieu, une population locale, a une portée universelle. C'est un objet qui représente le monde. Aujourd'hui, le concept de patrimoine mondial, c'est ce concept-là que l'UNESCO a créé. Mais il n'en reste pas moins que l'objet en tant que tel vient de quelque part. Et le génie d'un peuple, d'une culture, et par conséquent fait sa fierté. D'une manière ou d'une autre, cette culture, ce pays a le droit d'en être le dépositaire, l'héritier. Par conséquent, on ne peut pas s'aligner sur la force des théories qui sont tout simplement voulues et fixées par les grandes puissances pour sortir sous forme de pirouette comme ça et pour se prévaloir d'une universalité que tout le monde partage par ailleurs. Moi, je ne reconnais pas ce principe de musée universel parce que c'est une tautologie, ça n'a pas beaucoup de sens. Tous les objets, dès l'instant qu'ils sont le fruit du génie créateur humain, ont une force qui les assimile à être des ambassadeurs d'une culture. Par conséquent, le fait de vouloir dénationaliser le musée relève d'une contradiction dans la mesure où les musées qui en sont les détenteurs sont emblématiques de la force justement identitaire de leur nation. Je dirais qu'il y a Angus Roche. Il faut peut-être qu'on se rende compte que la restitution n'est pas forcément un problème, mais c'est aussi une opportunité. En Suède, à Stockholm, au musée ethnographique de Stockholm, qui est un des rares musées à aussi avoir restitué non seulement des restes humains, mais aussi des objets, disons, de culture matérielle, chose qui est beaucoup plus rare. Ils ont rendu un totem pole en Colombie-Britannique. En échange, ils ont reçu une copie faite par les artisans de là-bas. Et où la conservatrice, elle m'a dit une chose que j'ai trouvée très belle. Elle m'a dit, avant, on avait les objets et aujourd'hui, on a les histoires. Et ils n'ont pas l'impression d'avoir perdu dans cette histoire. Au contraire, ils ont l'impression d'avoir gagné et ils ne sont pas assiégés par une armée de demandeurs d'objets depuis. C'est pas... En fait, je crois que les musées projettent souvent sur les autres leur propre tendance accumulative. Et tout le monde l'a pas forcément, en fait. Parfois, les gens, ils attendent un geste, ils attendent une reconnaissance d'un préjudice subi, ils attendent qu'on les remarque, qu'on remarque leurs efforts de résilience. Ils cherchent à se reconstruire une identité. La restitution, c'est une forme possible et une forme parfois indispensable, dans beaucoup de cas indispensable. Mais dans beaucoup d'autres cas, on voit bien que les voix qui s'élèvent dans les demandes de restitution, parfois ne veulent pas une restitution en objet, mais parfois une restitution en attention ou une restitution en argent, pourquoi pas. On pourrait très bien imaginer que, par exemple, l'un des musées les plus fréquentés de Berlin, c'est le musée d'histoire naturelle, qui a le plus grand dinosaure du monde dans un musée. Ce dinosaure a été trouvé en Tanzanie, dans l'actuelle Tanzanie, quand la Tanzanie était une colonie allemande. Elle a été trouvée par deux Allemands coloniaux, mais en fait fouillée, emballée par 200 Africains sur place. On pourrait imaginer, puisque ce musée a un tel grand succès à cause du dinosaure, de donner la moitié des recettes à la Tanzanie, pourquoi pas, ou à d'autres organismes qui favorisent le travail entre l'Afrique et l'Europe aujourd'hui. Voilà, ça c'est une possibilité économique. On peut imaginer à une époque, au XXIe siècle, dans une Europe très fière de ses technologies, ou dans un monde occidental très fier de ses technologies, on pourrait imaginer des reproductions parfaites de certains objets, et on pourrait imaginer que les musées européens gardent les reproductions et restituent les originaux à ceux qui considèrent qu'ils leur appartiennent. Ce qui me paraît vraiment primordial, c'est d'en parler et d'étudier la provenance. Voilà, cette notion de provenance qui est une notion qui est née justement des revendications de biens spoliés. Cette notion de provenance me paraît aujourd'hui vraiment la notion sur laquelle il faut s'arrêter, étudier, mettre en place des méthodologies, et que ce soit transdisciplinaire, il faut que ce soit de l'histoire, il faut que ce soit de l'histoire de l'art, il faut que ce soit du droit, il faut que ce soit de la sociologie. Il faut vraiment qu'on s'interroge sur tous les aspects de cette circulation des biens culturels. La voix des dépossédés, la blessure des dépossédés, le sentiment de blessure, les formes, l'articulation de leur parole est extrêmement importante. Il faut en tenir compte, il ne faut pas seulement en tenir compte, l'entendre, mais il faut dialoguer, il faut créer une situation de dialogue. Et c'est seulement dans ce dialogue, qui est un dialogue donc polyphonique, avec les différentes voix de ceux qui se considèrent comme dépossédés et les différentes voix de ceux qui sont désormais, peut-être parfois malgré eux, malgré nous, malgré moi, les possesseurs maintenant de ces objets. Il faut créer les conditions de cette polyphonie d'idées, de points de vue. Et c'est dans cette polyphonie qu'on pourra imaginer les questions. Je pense qu'il ne faut surtout pas partir de l'idée qu'une institution seule, un pays seul, un ministère, un intellectuel pourra trouver la solution. Non, elle se fera de toute façon tous ensemble. C'est une entreprise collective, en fait, de la société, des sociétés, dans le monde globalisé, ensemble, en dialogue avec les autres. Sophie Benozesh, Felicity Bodenstein, Corinne Hershkovitch, Malik Ndiaye, Dominique Poulot, Pierre Rosenberg, Francesco Rutelli et Bénédicte Savoie. Merci à Fergus Blunt et Ilana Navarro. Lecture, Léon Bonafé et Mexianu Medenu. Archivina, Annie Lozana et Anna Olvek. Prise de son, Philippe Etienne et Romain Lucquins. Mixage, Claude Nior. Tu ne convoiteras pas l'objet d'art de ton voisin, la restitution en question. un documentaire de Perrine Guimpron, réalisé par Diffie Mariani. Conservateur, visiteur, collectionneur, politicien et diplomate, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour réclamer une œuvre, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le musée ou nous réécouter en attendant les restitutions, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, nous irons réécouter de nouveau la semaine que nous avions consacrée aux espions.